أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الإنسان كما قلنا قبل الصلاة علامة أن الله يحب إنسان أن يعطيه الدين، ليس الدنيا، لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. يحبه الله يعطيه الإيمان، أما الدنيا يعطيه حتى الكافر كفرعون ونمرود، ويعطي الدنيا للمسلم كسيدنا سليمان عنده ملك واسع ذو القرنين، مسلم كذلك عنده ملك واسع. إذن الدنيا يعطيها للمسلم والكافر. ونعرف كلنا حديث عليه الصلاة والسلام قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما أقى منها كافرا شربة ماء. إذن هذا حديث واضح، واضح المعنى. دونك on a dit, on parlait juste avant la prière de le hadith où le prophète il dit que Dieu il donne le bas monde, les richesses matérielles, le bien mondain aux musulmans et aux mécréants. Donc ça veut dire que c'est pas un signe quant à la richesse matérielle, ça fallait que Dieu t'aime. Parce qu'il donne aussi bien aux musulmans qu'aux mécréants. Musulmans comme Dhul Qarnayn, qui est cité dans le Coran, qu'il avait une grande souveraineté, il avait donc le vent qu'il transportait, etc. Il allait d'endroit en endroit, il appelait les gens à l'islam. Ou Sayyidina Sulayman, alayhi salam. Ou aussi, il donnait à des non-musulmans, comme le pharaon qui avait une grande richesse, Numrud. Aussi le roi Numrud ou d'autres. Donc quelqu'un qui a la richesse matérielle, ça ne veut pas dire que Dieu l'aime. Quelqu'un qui a beaucoup d'enfants, ça ne veut pas dire que Dieu l'aime. Qui Dieu aime, c'est celui qui lui a facilité de suivre la religion, suivre la religion correcte aussi. Parce que là il faut bien le préciser, parce que des gens, ça y est, ils voient quelqu'un, croit qu'il va à la mosquée ou il habite tel pays arabe, ça y est, ils croient qu'il est bien. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'extrémisme, qui sont dans les sectes. Ce n'est pas des sunnites. Suivent des sectes, des gens qui ont inventé une religion à part. Malheureusement, il y en a. Ceux qui suivent notamment la secte wahhabite, qui se font appeler salafites. Il y a des gens qui tombent dans les banlieues, dans, ou des quartiers, aussi à côté. Des gens qui tombent dans ces voies-là. Donc quand on dit celui pour qui Allah veut le bien lui facilite, qui suit la religion, ça veut dire la religion correcte. Ce n'est pas juste l'apparence. Quand on dit « Man yurid Allah bi khayr yusahil lahu an yutabba' ad-din yatih ad-din » C'est le din sahih. Mesh ay din. Quand on dit « Juhal yahsabu ay wahid » Il me donne un muhim, a'mal. La, mesh hada. قال تعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. القرآن واضح بلسان عربي مبين. بعض الناس يقول لك تذكر له الآية يقول لك لا ترى كيفاش ومعناها كذا. لا، القرآن الله ماذا قال؟ بلسان عربي مبين واضح. بعض الآيات تحتاج إلى تفسير متشابهة، أما أغلب القرآن آيات محكمات، أغلب القرآن آيات واضحة. بعض الآيات قال تعالى منه آيات متشابهة، بعضها تحتاج إلى تفسير. Donc pour appuyer cela on a cité le verset dans سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. C'est-à-dire, ce verset montre clairement, il y en a Ils pensent faire le bien, mais ils sont égarés. Perdants. C'est des perdants. Ils pensent faire le bien. Donc, penser faire le bien, tout seul ne suffit pas. وليس على طريقة طريقة السنية طريقة النبي عليه الصلاة والسلام الدين الصحيح هذا هو المهم. مرة سيدنا علي قال عن الخوارج, هذا الخوارج من الفرق المنحرفة, قالوا لعلي أنت كافر, كفروه برأي من عندهم ليس بدليل شرعي, هو مبشر بالجنة سيدنا علي رابع الخلفاء الراشدين. قال لهم, قال أعلم أنكم لم تريدوا بما فعلتم الدنيا بل أردتم الآخرة ولكن أخطأتم طريقها. إيش قال؟ قال نعرف أنتم تعملوا الشيء هذا ما تجراوش للدنيا, أنتم باغين الدين والآخرة ولكن أخطأتم الطريق الثنية, أخطأتم الطريق. فالناس يسمع نية صافية يحب ماشي للزعماء يحب ينوي الخير ولكن نية واحدة ما تكفيش. قال لكم أخطأتم طريق, معناها خاصك تخطئش الطريق. قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مش تبه هيك هاو زعم الدين وقال لك كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. دونك إن فوا الإمام علي كاتخيام كاليف تخي كونو بيان سور كي في بارتي دي 10 كو لو بروفيت إلا دي كي فون أو باراديس une seule fois, parce qu'il y en a d'autres qui le disent. Et il parlait des khawarij, une des sectes, et eux, ils l'ont déclaré mécréant en se basant sur leurs idées, etc. Sans preuve religieuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une phrase qui appuie ce qu'on a dit, en fait, qui appuie le verset aussi qu'on a dit. Il a dit, je sais que, en parlant de cette secte-là, il a dit, je sais que vous ne cherchez pas, parce que ce que vous faites, vous ne cherchez pas le bas monde, en fait. Vous ne cherchez pas le plaisir mondain. Vous cherchez, vous voulez viser l'au-delà. Mais vous êtes trompé de chemin. Il y a des gens, ils veulent soi-disant pratiquer. Mais il a dit, ils sont trompés de chemin. C'est-à-dire, se tromper de chemin, ce n'est pas une excuse. Parce qu'il faut suivre la religion avec des preuves. Ce n'est pas suivre avec les mots comme ça, juste l'apparence. Et ça, ça montre une chose aussi, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. C'est pas, ah oui, mon fils, c'est lui, il suit Dean, je le vois, il suit Dean sur YouTube, il va à la mosquée. Non. Il y en a, leurs enfants, et ils sont devenus des gens extrémistes, etc. Et soi-disant, ils suivent la religion. Et هذا القرآن يؤكد قو أنفسكم وأهليكم. كيفاش تعلمهم بلغلهم الحق. مش تقول هو متدين خلاه في المحلول. قال زين علي أخطأتم طريقها, لأنه الدين عنده قواعد, مش كل واحد يجيب دين من عنده. ها دكتور ها وكذا, لا مش دين باسم دكتور. الدين يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام, قال تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا, كتاب الله وسنة نبيه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة حجة ودليل. Donc la religion c'est pas tel docteur sur YouTube ou un tel ou tel je sais pas quoi. La religion c'est ce que le prophète il a enseigné. Il a dit je vous ai laissé deux choses si vous y attachez vous ne serez jamais égaré après moi, le Coran et la Sunna du prophète, c'est-à-dire le hadith. Et bien sûr c'est pas en creusant des livres. Il nous a montré comment apprendre de sources sûres. C'est la méthode ancienne. هذا الطريق القديمة. سأل الشيخ بالكبير رحمه الله هذا في الجزائر في أضرار معروف وروا التلاميذ نتاعو كي توفى يسألوا فيهم قالوا ديما يعاود لهم في متن ابن عاشر أنا تفرجت فيها شخصيا وقت عملوا برنامج عليه وقت يتوفى في الجزائر ما عندوش مدة كثيرة 2000 وشوية كتوفى قال ديما يعاودنا في نفس الكتاب نقولوا أعطينا قال هذا الناس اللي تحتاج يعاودوا مش الناس متن ابن عاشر معروف هذا الناس كبار اللي قرأوا في الزيتونة متن ابن عاشر يقروا فيه في عطار بن عاشور وفي فاس هذا من فاس هو مدفون في فاس ابن عاشر ناس بكري من زل تحفظ يقول عبد الواحد ابن عاشر مبتدئا بسم الله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات الأمي تفيد في عقد الأشعري وفقه مالكي وطريقة الجنيد السالكي كان يعود لهم في هذا هذا الشيخ الكبير طويل هو اي اول هو كان يعملوها باش تحفظ الناس كان قبل اللي حفظوها من صغار اما شنو اول كتاب شي يقول قال لك في عقد الاشعري وفقه مالكي وطريقه الجنون الثاني باش الناس تقول له اشعري ما يفهمش معناتها قبل اللي يعلموا فيها عقيده اشعريه معناها ابو الحسن الاشعري هذا كان عالم كان يناظر في الفرق المنحرفة المعتزلة وكذا من ذرية أبو موسى الأشعري اللي هو الصحابي الجليل لخص عقيدة النبي وكان يدرس فيها في كل بلاد الإسلام يقول العقيدة الأشعرية تمشي في الزوايا يقول لك العقيدة الأشعرية وفقه مالكي معروف وطريقة الجنيدي السالكي إمام جنيد البغدادي بغداد كان إمام في الطريقة شن هي الطريقة يعني طريقة يعني صفاء القلب كيفاش المعاملات الإسلامية ديما شيوخ بكري تعلمك العقيدة الفقه وبعد كيفاش مرحلة مرحلة توصل للدرجات العلى شيقول في آخر الكتاب هذا ابن عاشر يقول يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه هذا في مدن ابن عاشر يصحب شيخا عارف المسالك الشيخ عارف أنه الشيطان يجيك الرسول يقول لفقيه واحد أشد على الشيطان ألف حافظ خص كل قيد كما في الصحراء تاخو قيد ولا تحط ساق تغرق الرسول عليه الصلاة والسلام قال حفتي النار بملذات طريقة النار فيها برشة ملذات وحفت الجنة بالمكاره هذا حديث ولا حديث شكون مش يسلك يعرف شكون يعرف مش اللي عنده الدراهم يعرف يعرف متنور بالإيمان بشرع الله الشيخ اللي يسلك وصل الدرجة وصل الدرجة في سلكك باش سلكك مش بالدراهم وحزب سياسي وفوت لا بشرع الله الشرع إن ربك عليم حكيم هكذا إذن الحمد لله لهنا ما نجيبوش جديد كما واحد جاء للشيخ نتاعنا قالوا ها تحكي في جديد قالوا هل عرفت القديم حتى تقول هذا جديد قالوا عرفت القديم مش تقول جديد تعرف القديم ليه لما عرفش القديم من يمشي يقول جديد إذن هذه أشياء معروفة الحمد لله الناس اللي قد ما جات ديما نحكيوا على القديم نحن لأن الدين مرة مشيت هكا في عرس نعتي دار بديت نحكي مع العقد الشرعي قال لي هذاك في عهد الصحابة كنت الصلاة لا المغرب صلاها كما الصحابة صلاها وكما صلاها كما صلاها الصحابة المغرب الزواج في الإسلام كما عملوا الرسول كما عملوه اسكت الحلال والحرام ما يتغيرش شكون اللي غير الشرع؟ إذا رسول وآخر رسول شكون؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فنحكيو ليه معروف عنا، ما نجيبوش شيء جديد. إذن هذا الدين إنسان ميملش، لا يشبه المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. Donc on a cité en fait ce livre-là justement que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Cheikh Belkbir, on a donné un exemple parmi d'autres. Cheikh Belkbir qui est un cheikh d'Algérie qui a enseigné dans le sud de l'Algérie. Il est mort dans les années 2000. Quand il est mort, dans le reportage, moi j'ai vu, il disait ses élèves, il nous faisait toujours le traité de Ibn Ashr, très connu dans le Maghreb. Dans tout le Maghreb, il enseignait le traité de Ibn Ashr. C'est un savant enterré à Fès. On lui dit, on veut autre chose. Mais lui, il répétait. Il a dit, les gens, ils ont besoin des bases. Donc, c'est ce qu'on fait ici, en fait. C'est la méthode des grands, des anciens. Répéter, pour que les gens, ils maîtrisent, il va transmettre à sa famille. S'il aime sa famille, il va leur transmettre. Il ne va pas négliger, il va leur transmettre parce que c'est la clé du paradis. Alors dans ce traité de Nourachel, bon, on l'a cité souvent, il est très connu. Il a fait un poème en fait, et puis ils expliquent. Beaucoup de savants, ils font des choses qui riment pour que ça, les gens ils mémorisent. Et après c'est facile, il a en mémoire le traité, et après on lui explique. Alors il cite quoi? Au début il dit, le traité il dit, في عقد الأشعري وفقه مالكي وطريقة الجنيد السالك. En fait, c'est vocabulaire, c'est bien de les connaître pour ne pas tomber dans l'extrémisme et dans les idéologies, par les terroristes et les gens qui inventent des religions au nom de l'islam. Alors, il dit dans la croyance ash'arite. Il y en a, mashallah, ils ont étudié un peu. Je connaissais quelqu'un, un Algérien, il est venu ici, il m'a dit. J'écoutais Ash'arit, je dis, ah, je reste dans cette mosquée parce que les cheikhs en Algérie, ils disent la croyance Ash'arit. C'est quoi la croyance Ash'arit? La croyance Ash'arit, comme on dit fiqh malikit, quand on dit fiqh malikit, ou shafi'it, ou hanafit, est-ce que ça veut dire malik, il s'est pris pour un prophète, il a inventé une religion? Non. Ça veut dire quoi fiqh malikit? Ça veut dire malik, c'était un savant. Il a expliqué le halal, le haram à partir des hadiths, des versets du Coran. Il a expliqué, il a écrit tout ça, il a facilité les règles qu'il a extraites du Coran, du hadith, parce qu'il est un grand savant, mujtahid. Pareil, pour la croyance, il y avait des grands savants parmi eux, un arabe très connu qui s'appelle Abul Hassan Ash'ari, qui est descendant d'un compagnon qui s'appelle Abu Musa Al-Ash'ari. Compagnon du prophète alayhi salatu wasalam. Il y avait Al-Maturidi qui était qui n'est pas arabe, Abou Mansour Al-Maturidi qui était dans la région de pas loin de Al-Bukhari et tout ça. Et lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pareil, la croyance du prophète, ils ont fait des phrases plus que les gens ils comprennent plus facilement. Parce que les gens, plus tu avances, les gens ils n'ont pas le niveau des compagnons, ils comprennent l'intelligence de Abou Bakr, Omar, Othman, Ali, l'éloquence. Comme le français, les gens ne comprennent pas les phrases que maintenant des gens ils vont lire Racine ou Molière, ils ne vont pas comprendre s'il n'a pas fait des longues études. Si tu lis Molière, tu ne vas pas comprendre. Tu n'as pas fait des longues études de français. Alors le prophète, c'est 1400 ans. Donc, les gens, ils ont, comme en français, le niveau il change, ben, en arabe aussi, le niveau des gens, ce n'est pas pareil que Abou Bakr, Omar, Othman, Ali, etc. Et donc, ils adaptaient ces termes-là aux gens de l'époque, les savants. Et parmi ces grands-là, il y avait Abul Hassan Ash'ari. Il expliquait avec des règles plus formalisées, on va dire. Voilà la règle, voilà. Parce que le prophète, quand il a parlé, à un moment il dit un hadith, à un autre moment il dit un hadith, à un autre moment. Et bien lui, le savant, il va te regrouper. De tous ces hadiths, de tous ces versets, on va dire alors, il y a première règle de la croyance, deuxième, troisième, voilà la réplique à cette secte des Mu'tazila, des Khawarij, des ceci, cela. C'est comme ça. tout simplement. Il n'a pas inventé, mais il explique, il formalise, on dit. Et donc, c'est connu dans tout le pays musulman, on dit à croyance ash'arite ou maturidite. Souvent, dans les pays non arabes, on dit maturidite. Comme en Afghanistan, tout ça, souvent ils utilisent maturidite, qui était un savant, mais qui n'était pas d'origine arabe, mais il parlait l'arabe, bien sûr. C'est une différente manière d'expliquer les bases. Donc la croyance ash'arite, c'est la croyance qu'on explique tous les jours ici, quoi. Expliquer dans tous les pays musulmans. Indonésie, Malaisie, Syrie, Palestine, Jordanie, Liban, Tunisie, Maroc, Mauritanie, c'est ça qu'ils expliquent. France, Ash'arite. Donc c'est bien de savoir c'est quoi cette terminologie. Parce que les extrémistes, les gens, les wahhabites qui sont appelés salafites, quand ils prennent quelqu'un dans leur secte, ben, ils vont critiquer les références sunnites. Parmi ceux-là, c'est les Ash'arites. Maintenant, Ashar, ça, c'est le traité enseigné dans la grande mosquée de Zaytouna, en Algérie aussi, et en Algérie, et au Maroc. Ben, il dit la croyance Ash'arite, Fiqh Malikite, ça c'est connu, bon. Pareil, on a expliqué, Fiqh Shafi'ite, Hanafite, Hanbali. Et il dit à la fin la voix de Al-Junaïd. Alors, l'habitude des savants, Al-Junaïd, Al-Baghdadi, c'est un savant, ce qu'on appelle. Qui font beaucoup les exhortations, etc. Bon, c'est un savant, il connaît les bases. Mais il était connu dans les exhortations aussi. Donc à la fin de la formation qu'ils font aux gens, les savants, à la fin, ils insistent sur les comportements islamiques, d'être sincère. Bon, dans tout ce que tu fais pour Dieu, t'attends pas l'éloge des gens, t'attends pas à courir derrière le pouvoir, l'apparence. Parce que beaucoup de gens... À cause de l'apparence, et il cherche l'apparence et le pouvoir, il va glisser. Comme le prophète dit, Hubbu dunya ra'su kulli khati'a. L'amour du bas monde, c'est la source de toute erreur, de tout péché. Donc ils insistent à la fin, après avoir expliqué la croyance, comment prier correctement, comment réciter bien la fatiha, les péchés, etc. Comment faire bien les choses de la religion. Après, il te dit, attention, Shaitan, il t'attend au tournant. Fais attention. Toujours, tu remercies Dieu. Shaitan, il vient te gonfler, attention. Toujours, il faut être modeste, humble envers Dieu. Même si tu pratiques, tu remercies Dieu. Même si tu aides ta famille, tu dis pour Dieu. Ils insistent sur ça. Il ne faut pas zigzaguer. Dans la religion, tu ne fais que pour Dieu. Tu ne cherches pas les intérêts mondains. C'est-à-dire, il te dit, il faut bien faire les choses et il faut faire sincèrement. C'est ça ce qu'on appelle, alors le terme connu, c'est le soufisme. La voie, il dit quoi? Tariq, Junaïd Salik, est Tariq al-Soufiya. C'est-à-dire la voie soufie de Junaïd Barnett. Bien sûr, pourquoi ils enseignent ça? Parce que c'est important, et des gens, ils ont appris, mais Shaitan, il est là, il n'est pas mort, Shaitan. Il vient... Il t'embellit des choses. Il te fait attirer par petit à petit. Petit péché, grand péché, après la mécréance. Donc, pour être fort, c'est, comme il a dit le journaliste, « Ilm wa amal ». La voie, c'est apprendre et pratiquer. Les deux. Si tu apprends, tu ne pratiques pas, ben, tu ne vas pas avancer. Si tu pratiques sans apprendre, ben, tu vas faire plus de mal que de bien. Il m'a dit Omar ibn Abdel Aziz, celui qui va agir en sans science, il va agir en mal plus qu'il va agir en bien. Donc ici, vous voyez, c'est très simple, c'est très facile. C'est la tariqa. La sahiha. Que certains gens, vous voyez, c'est comme ça, c'est un samoura, c'est un soufi, certains gens, ils sont juhels dans le dîn. Ils ne connaissent pas la salat, la siyam, la aqidah. يظن أن الذكر واللباس هو الأهم في الدين ليس هكذا أهم شيء هو تعرف العقيدة الإسلامية طبق الصلاة الزكاة تقضي ما عليك تقرأ الفاتحة صحيحة تبعد عن معاصي الرجل يد كذا هذا هو بعد هذا تزيد في الأعمال تترقى في الدرجات. Donc la bonne voie, elle est simple. Tu maîtrises la bonne croyance, tu suis la bonne croyance, tu préserves ta croyance, tu pratiques bien la prière correctement, avec la bonne récitation d'Al-Fatiha. C'est pas comme certains qui disent, ah moi j'ai jamais raté prière à la mosquée, et oui, il ne sait même pas réciter la Fatiha. Sa prière n'est même pas valable. Il joue sur l'apparence, Shaitan. Shaitan, il a plein de vices. Il peut jouer, même beaucoup de gens qui vont à la mosquée, ils jouent sur eux. Il le gonfle, il croit que ça y est. Ah, il dit, ah, moi, je fais Qiyam al-Layl et tout, mais il est ignorant. Il fait des choses qui ne sont pas valables. Donc, on a dit, le shaitan, il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il وصل وهو بعيد من جهله في القبر هذا الذي ينفع dans la tombe tu seras la tombe c'est proche la tombe c'est proche c'est ça qui va être utile c'est pour ça qu'il faut apprendre et transmettre à sa famille ou gens proches de toi c'est ça خاصك تتعلم وتنشر الى اهلك وعائلتك هكذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طه الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين